Le matin, M. l'abbé, qui ne voulait pas avoir l'air mécontent, parla de déjeuner et pria une des filles de son hôtesse, qui était fort jolie, d'en faire apporter. Elle lui dit qu'elle n'avait pas le temps. Il s'adressa à sa sœur, qui ne daigna pas lui répondre. Nous attendions toujours. Point de déjeuner. Enfin, nous passâmes dans la chambre de ces demoiselles. Elles remuèrent M. l'abbé d'un air très peu caressant. J'eus encore moins à me louer de leur accueil. L'aîné, en se retournant, m'appuya son talon pointu sur le bout du pied, où un corps fort douloureux m'avait forcé de couper mon soulier. L'autre vint ôter brusquement de derrière moi une chaise sur laquelle j'étais prêt à m'asseoir. Leur mère, en jetant de l'eau par la fenêtre, m'en aspergea le visage. En quelque place que je me misse, on m'en faisait ôter pour chercher quelque chose. Je n'avais été de ma vie à pareille fête. Je voyais, dans leurs regards insultants et moqueurs, une fureur cachée, à laquelle j'avais la stupidité de ne rien comprendre. Ébahi, stupéfait, prêt à les croire toutes possédées, je commençais tout bon à m'effrayer, quand l'abbé, qui ne faisait semblant de voir ni d'entendre, jugeant bien qu'il n'y avait point de déjeuner à espérer, prit le parti de sortir, et je me hâtai de le suivre, fort content d'échapper à ces trois furies. En marchant, il me proposa d'aller déjeuner au café. Quoique j'eusse grand faim, je n'acceptai pas cette offre, sur laquelle il n'insista pas beaucoup non plus, et nous nous séparâmes au 3e ou 4e coin de rue. Moi, charmé de perdre de vue tout ce qui appartenait à cette maudite maison, et lui, fort aise, à ce que je crois, de m'en avoir assez éloigné pour qu'elle ne me fût pas facile à reconnaître. Comme à Paris, ni dans aucune autre ville, jamais rien ne m'est arrivé de semblable à ces deux aventures, il m'en est resté une impression peu avantageuse au peuple de Lyon, et j'ai toujours regardé cette ville comme celle de l'Europe où règne la plus affreuse corruption.